mettre leur gueule comme les Rickens. Moi dans mon équipe, ils font un neuf comme Harry Kane. Le jour, la nuit, j'taffe tellement que j'fais plus la diff entre le mardi et le week-end. J'regarde aux alentours, j'me demande c'est où qu'on va. J'sais pas si j'dois me ranger ou braquer un convoi. Ils sont bons qu'à pivoter, moi j'rêve dehors, bord de yacht. D'hélico que j'sais même pas piloter. J'y pense tout le temps, car j'ai compris que pour un billet, par ici l'amitié fout le camp. Vision périphérique, on survit, on périt pas. Frappe du gauche comme Robin avec Pays-Bas. Trop de douilles, t'aurais t'ordonné. Dans ma tête, tout est ordonné. Je n'ai pas d'égal que subordonné. Et dans une autre vie, je descends des rois. Ici on meurt debout, ferme ta gueule ou descendez-moi. Je dis qu'il pèse, vas-y ouais d'accord. C'est pas que j'ai pas confiance, mais j'irai d'abord. Tu penses me connaître mais t'as tort. Tu sais, moi je veux faire comme PFL, racheter Bellator. Tu dis qu'il pèse, vas-y ouais d'accord. C'est pas que j'ai pas confiance mais j'irai d'abord. Tu penses me connaître mais t'as tort. Tu sais, moi je veux faire comme PFL, racheter Bellator. Un seul poucard, faut aligner tout le rang. Seule la vengeance peut effacer tout le sang. Le bien, le mal, j'en ai plus rien à foutre. Comme Shane Wallace, j'irai brûler tout le camp. Ça casse les couilles pour des tarots dégressifs. Mieux vaut être dépressif dans un beau RS6. J'rêvais d'être immortel comme Tiro Di Marcio. J'ai pas confiance en l'homme mais en fusil d'assaut. Et rien à foutre de savoir si j'descends de l'arbre. Des flaques de sang se noient dans l'océan de larmes. J'regarde le monde sombrer comme si j'voyais pas flou. J'me parle à moi-même normal comme si j'devenais pas fou. Une plaie de plus, moi le sel, pas toi au vent à 260, rien à foutre de voir le ciel. Tu connais un tel ou un tel, ok, c'est cool. Je m'en bats les couilles, fais voir le zèle. Tu dis qu'il pèse, vas-y ouais d'accord. C'est pas que j'ai pas confiance, mais j'irai d'abord. Tu penses me connaître mais t'as tort. Tu sais, moi je vais faire comme PFL, racheter Bellator. Tu dis qu'il pèse, vas-y ouais d'accord. C'est pas que j'ai pas confiance, mais j'irai d'abord. Tu penses me connaître mais t'as tort. Tu sais, moi je vais faire comme PFL, racheter Bellator.